t'avouer que je me manque. Donne-moi de mes nouvelles. Dis-moi dans quel port se planque la barque de ma cervelle. Me crois-je encore guitariste? Comment vis-je, comment vais-je? Ai-je toujours le front triste d'un professeur de solfège? As-tu rendu au voisin la page du télérama dont il avait tant besoin, cause du Dalai Lama? Vis-tu toujours avec moi? Amaya Inotsoel, de ma santé je m'en fous, c'est surtout de mes nouvelles, près de toi dont je suis fou. Ma chienne Lou est-elle morte? Ai-je arrêté de fumer? Combien de roses y avortent avant d'avoir parfumé? Est-ce que mon ombre chinoise à l'angle du cinéma a enfin payé l'ardoise du restaurateur chinois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de mes nouvelles et ma cinglette à carreaux. Fait-elle toujours les merveilles au championnat de tarot? Connaît-on encore le Brest? Fait-il encore des chansons? Les mots vont, les écrits restent souvent sous les paillassons. C'est quelle main, de quelle semaine? C'est quelle saison, de quel mois? Longes-tu toujours la Seine au bras de mon frère siamois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de mes nouvelles, file-moi le boléro du téléphone à Ravel et de mon dernier bistrot. Comment vais-je, comment boite mes pauvres pieds d'haricot? Et suis-je encore mis en boîte avec mon drapeau coco? On s'est promis tant de plages au bord des panoramas. Es-tu encore du voyage avant mon prochain coma? Viens-tu toujours avec moi? Oh amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps? Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du coup, tour excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps? Amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier? Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du coup, t'es excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier? Oh amour, la première fois amoureux de son plus jeune âge, c'est l'amour. Pour la dernière fois, oh l'amour de ce doux, c'est pas si glisse, pas les parfois. Et amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier? Amour, mon père, et je ne sais pas comment. Amour, ma mère, et tous ses sentiments. Amour. Yves Lampampan. Oh, monsieur Pointu, s'il vous plaît. C'est madame Benoît. Oui. Monsieur Pointu n'est pas prêt. Oh, il fait défaut. Il est pris par défaut. Ouais, il cherche son violon et je crois bien... Oh non, c'est pas l'histoire. Ben, on va vous la raconter. S'il vous plaît. C'est une histoire à bras levant. Oh, et c'est venteux. Très venteux. C'est la tempête, c'est la tornade, c'est le cyclone, c'est l'œil. Le gros œil qui te regarde, là, qui dit moi je vais te rattraper, là, je te regarde, là. L'hypnotisme arrivera jusqu'à toi, les rayons de mon savoir, ma communication intrasensorielle. Il est malade. Le connu devant tout l'étrangeté de notre existence arrivera maintenant à toi. C'est un malade. Oui. C'est un peu ça. Et je m'en confesse, madame Thibodeau. Ah non, pas des pleurs au début. Ben c'est... Oui, le public aime ça. Ils veulent de l'émotion en tout premier lieu. Après, si affinité de la rigolade, de la croisade de pensée ou un effer... Comment? Un déferlement? Oui! Merci, monsieur, ça va bien? Oui! On vous a pas réveillé? Non! Continuez. Oui! OK. Il est parti. Comme le printemps. Il est parti. Il est en moto. Seul sur ma moto, je m'envole. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai perdu le contrôle de cette émission-là depuis le début. Je l'avais demandé à madame la première à l'époque. Contrôler l'émission, contrôler la compréhension, contrôler l'imaginaire. Elle m'a dit non, c'est de la dictature. Comment ça? C'est de la dictature. Oui, mais qu'est-ce que c'est de la dictature? Oui. C'est le contrôle de l'esprit. C'est le contrôle de la pensée. C'est le contrôle des idées, c'est le contrôle de tout, c'est le contrôle de la salle. Il est en transe. Elle est en transe. C'est le contrôle de tout. Comme je le dis souvent, de tout, partout et partout. Oh mon aime ça! Surtout le vendredi. Oh, on passe-tu des belles partout le vendredi? Ah, c'est une minorité. Comment ça, c'est une minorité? Le vendredi, c'est une minorité. Non, c'est le deuxième. La deuxième exclamation. Non, je me suis pas exclamé, moi, là. Je me suis retenu, là. Là, j'étais prêt à ne pas nommer ce qui allait suivre. Ben, j'ai eu, Mme Thibodeau puis Rita Bibelot criaient dans leur tête. Puis moi, je comprends tout ça, moi. Moi, si vous dites rien, là, mon sixième sens est prêt, est ouvert. C'est comme le Bluetooth. Oh, mon Dieu! Ouais, le Bluetooth. Oh, mon... Okay. Tu sais quoi que le Bluetooth? Ben, moi, je suis dans le savoir, moi. Oh, on le sait. À trop savoir, tu te cales. À trop te caler. Oh, attention. Cali? Oui. L'amour! Arrête mon cali. Ah, les pères ont besoin de leurs enfants. Les enfants ont besoin de leur père. Père, père, père. Je suis le père de tout. Le père de tout. C'est partout, c'est partout, c'est partout. Oh, il se prend pour le nouveau pape François. Il disait que l'avortement serait barre ouverte. Il dit encore. Et je l'ai écouté. Ouais, c'est pas douce. C'est pas douce. Simonac. Un snack. Pitolac. Pipitoun. Petite pitoun. Grosse pitoun de l'estrie de la bosse. Qui cause tout le temps, mais qui veut pas raconter les petits pétons. Pétou, les pétous, les pétous, les pétous, les pétous, les pétous, les pétous. Tout. La claque a 80 ans, madame, mademoiselle. 80 ans! C'est pas une blague, là. Allez voir sur Bubble Bat. Non, c'est Gobble Bat. Gobble Bat, Bibble Bat, Bibble Bat, Bibble Bat, Bibble Bat, je bois de l'eau au lit. Je bois au lit de l'eau. Oui, monsieur. Oh, Lidlou, Doulou, Doulou, dans mon Lidlou. Pouvez-vous... Excusez-moi, là, c'est une question technique, là. Toujours dans cette émission-là, on parle de technique, mais c'est vrai. Pourriez-vous mettre le ventilateur un peu plus en avant? Excusez-moi, on va contrôler tout ça, là. Tout est une question de vent de cette émission. Le vent l'emportera, mais ne t'en fais pas, non, bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, oh bébé, oh bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, oh, oh, hein? Oh, je me croyais à la Nouvelle-Orléans. Oui, parce que j'ai le vent du nord là, qui me rentre dans le tympan. J'ai dit tympan. Non, j'ai pas dit Gaétan, j'ai dit tympan. Ouais, l'ambulance vient de foncer. Tympan. En pleine nuit, une sirène. Ouh, appel au feu, tous les pompiers. Et tous les gens qui se réveillent. Oh, amène pas tout, il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Pa wa wa wa, mais par l'instant là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Suzanne, qu'est-ce qu'on a fait de Rita? Rita ici biboulot, dans ses bibelots, biboulot, non, biblot, biboulot. C'est qui ce clown-là? C'est pas un clown, c'est un bibelot. Oh, il l'a eu! Alors, comme disait... c'est quoi, si on s'en va dans tous les sparages, dans toutes dans tous les clonages agricoles ou non agricoles, on en voit passer des vaches, là, actuellement, là. Bonjour, êtes-vous membre, là, là, madame? Non, c'est une... Ah, bon. Madame, oui. C'est pas... Oui. Arrête de dire oui. Non, je suis positif, moi. Dans tout, là, je dis oui. Alors, on vous tire oui. C'est un main. Oui! Avec le nouveau pape François, l'avortement sera bar ouvert et les condoms distribués à l'unisson, les homos pourront se marier et surtout divorcer! Parce que là, plus personne ne veut se marier, madame! Plus personne! Là, on s'est dit, on va laisser la place aux marginaux. J'étais de l'ancien français, quoi ce que? Non, c'est quoi ce que? Quoi ce que? Quoi ce que les boulots? Ah, bon, c'est boulots! Il y a dans le quoi ce que des rigolos qui s'amènent jusqu'à nous. Dans cette souffrance que l'on appelle l'existence, il y a quelques moments de persévérance que l'on appelle le bonheur. Et c'est pour ça que l'on doit les modeler en forme de cœur, le bonheur. Ah, c'est beau ça, oui, c'est dans mon prochain album. Chante plus, la cour est pleine. Très bon titre, hein? Je dois remercier mon insolite personnage premier qui m'a dit « On va t'en mettre de l'argent dans cet album-là. » Il a pas dit ça comme ça, là. Non, mais j'ai un garage, moi, j'ai un garage, un gros garage, là, pis j'ai des belles voitures, des belles grosses voitures, là. Pis j'ai une secrétaire, là, une belle grosse secrétaire qui est là pour répondre, qui dit « Ah, monsieur, bonjour, bonjour! » Et tous les clients sont là. Bonjour, madame. Oui! C'est pour faire réparer vos véhicules. OK, là, je vais le comprendre, monsieur, vous êtes un... Oui, je suis déjà... Oui! On peut régler ça. Merci, madame. Oui, je peux régler ça. Oui, monsieur, je peux. Hey, vous êtes un chanteur? Non. Ben, Rénal cherche un nouvel interprète. Pour... Non, c'est pas pour nous, c'est Rénal. Rénal de porno? Non. Rénal pour tous. Pour tous dans les porno. Non, il n'y a rien à voir là-dedans, monsieur, là. Là, vous dites madame depuis 35 secondes, mais c'est monsieur. Monsieur Grenier. Raymond Grenier. Ah, mon Dieu! Bon. Et puis, à part de ça, il fait beau, hein? L'automne tombe tranquillement, laisse la place à l'automne, qui bourgeonne. Pas juste l'automne qui est bourgeonne. Tout le monde est là avec les yeux. Pom, pom, pom, pom, pom. Bonjour, madame. Mademoiselle, bonjour, mademoiselle. Oh, on en sert de la bière aux filles. Moi, madame. C'est pour le madame au fond. Au fond. Non, mais au fond, c'est au fond. Non, c'est pas à date. Vous êtes à une troisième année. Vous êtes... Êtes-vous allé à l'école, madame? J'ai dit au fond, pas d'avant. Moi, je suis en avant, il est au fond. Elle, au fond. Au fond, tu comprends. Ouais. Vous me reconnaissez. Bon. Oui, je sais, j'ai une ceinture. Bah. Comment ça, là? Je suis pas sorti d'un... Et voilà, c'est comme ça qu'on a embarqué le pauvre Jarmecus Précus. On l'a amené dans une maison de repos. On dit, repose-toi, mon petit champion. Là. C'est le temps. Là. C'est l'automne. Pour que l'été, tu sois pimpant. Pimpant, pimpant, pimpant. En pleine nuit, une sirène, on l'a fait, on l'a fait. On est comme les artistes qui terminent leur carrière. On répète, on fait des autres chants. Non. On prend nos anciennes, puis on fait des duos. Alors, on va appeler Fabienne. Attends, monsieur. Puis-je vous importuner, monsieur Grenier? Ben, en fait, on veut parler à Fabienne. Puis-je vous importuner, monsieur Grenier? Oui. Ben, moi, j'ai pas dit non, là. C'est, en fait... On fait des grands succès de mon chanteur ici parce que j'ai ici avec moi quelqu'un qui se lance, ben, qui s'est lancé depuis 25 ans dans la chanson, mais il n'y a plus aucune émotion qui sort de là, il n'y a aucun mot, il est comme congestionné depuis à peu près 20 ans, il roule 50 ans au début de sa carrière, des beaux gros succès. Connaissez-vous, je suis un torchon? Ben, c'est lui ça, je suis un torchon. J'aime les grosses patates. Ben, c'est lui, ça, j'ai une grosse patate. Entrille, Samonelle. C'est lui, ça, le grand succès. Bon, je ne la chante pas. Mais là, on veut faire des duos, monsieur. Là. Puis on sait que vous avez la chanteuse, là. Puis-je vous importuner, monsieur Grenier? Ben, j'espère que c'est moi qui vous importune, mon cher. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, là? C'est abscon? Il y a trop de trucs. On va éliminer, excusez-moi, là, on est dans l'interne, là. Éliminer, OK. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler à Fabienne? Allô, Fabienne? Oui! Bon, c'est bien ça, au début d'émission, parler à Fabienne. Là, on te dérange un peu dans ta carrière. On sait que tu fais de la musique pour les laitières. Hein? Vous êtes accroché à la laitière, vous. Bon, votre succès, c'est le monde, le monde s'embaume, hein? Là, on a un chanteur ici, là, qui a plus trop de succès depuis à peu près 20 ans. Comme je disais tout à l'heure, il y a 5 ans, c'était incroyable. Puis là, maintenant, c'est un peu plus... Mais on compte sur vous pour remonter. En fait, redonner être un genre de Viagra musical, madame. Vous aimez ça, le Viagra, vous, hein? Vos époux en prennent régulièrement? Combien avez-vous d'époux, madame? Bon, à part vos vaches, là. Ah, OK. Mais, est-ce qu'on peut faire une petite chanson comme ça, là, sa grande reprise, là, je ne suis qu'un torchon avec vous? Excellent. Vous êtes où, là? Vous êtes en Belgique? Pour une chanson, vous chantez pour la Hotsting actuellement, là. Ah, mon, quel beau public, la Hotsting, hein? Elle vous donne du lait au chocolat, j'espère. Hey! Mon lait préféré du lait au chocolat. Pouvez-vous m'en amener un verre quand vous allez venir, là? Ben, en fait, venir vous-même, là. Pas venir dans le centre. Ouais. En fait, est-ce qu'on peut compter sur vous? Excellent, madame. Le succès va revenir, l'argent va rentrer. Numéro un. À quoi bon? Pourquoi Pauline Marois ne manifeste plus avec les étudiants et les étudiantes? A-t-elle perdu sa casserole? Oh! Désolé, Pauline, j'aime pas les colons. qui soit pure laine ou en chapeau melon. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Là, j'ai vu que j'étais pas dans la lumière, comme on dit au cinéma. Heureusement pour vous, vous ne m'avez pas vu si vous me regardez là sur YouTube ou sur un site Internet quelconque, au King Kong. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve là, mais en Chine. Mes vidéos sont même en Chine. Un Chinois regarde ça, il dit... Sans sa pitoune! Hein, oui, un Québécois sans sa pitoune, ça arrive. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire. Et quoi, elle était en arrière, ma pitoune? On la refait-tu? Ma pitoune. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Lenéant Gagné. Je mange le micro. Je pense qu'il aime ça. La semaine dernière, vous avez mangé des poivrons verts. Non, monsieur, c'est des poivrons rouges. Ah, mon Dieu, c'est... À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est juste la couleur. Ben oui. La planète s'arrête pour une question de couleur. C'est épouvantable. On ne te demande pas si tu as du cœur. On te demande quelle est ta couleur. Oui, actuellement, là, je suis comme le homard chéri, homard, tu m'attends avec tes dents et tes griffes et tu me mangeras. Oh, la mort! Non, c'est le homard. La mort, elle est rouge, le homard. Comme le poisson, hein, homard, dauphin, flipper. À quoi bon faire? Non, l'émission de la semaine dernière, hein? Homard Flipper, là, avez-vous... Ben, je n'ai pas écouté. Ben, allez voir sur Internet. L'excellent site de l'Errant Rénaldien. Vous tapez pas trop fort sur votre clavier, là, hein? Tabarouette, ah, ah, ah. C'est pas votre... bon. C'est pas votre passé, là. Frappez pas aussi fort, là, parce que oh, j'ai oublié de faire ça quand j'avais 20 ans, là. J'ai laissé passer Rita Bibelot. Elle était tellement, tellement intentionnée pour moi. Elle m'a amené des marshmallows. Non, c'est quoi des marshmallows en français? C'est des guimauves. Elle m'a amené des guimauves. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est maintenant là, complètement dedans. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. On est dedans. On l'a fait à un moment donné, puis les gens ne veulent plus en entendre parler. Attention, Facebook nous a balancé des trucs à gauche, à droite, a modifié notre apparence cybernétique. On ne voulait rien savoir. Arrêtez d'y travailler. Laissez le public choisir. Là. Ça me dépasse et ça me dérange. Je suis dépassé, moi. Là, arrête, je suis tout à fait dépassé. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Là, c'est sérieux. Quand il tape ses feuilles, là. Il tape ses feuilles une fois par semaine. Amlatatoun, alamratat, boum. Il frappe ses feuilles une fois par semaine. Wapatato, et chopolato. Chante le rigodon. Oui, que c'est bon. Oui, que c'est long. C'est très long. Ça fait 20 minutes que tu... Ouais, on y va. Aujourd'hui, le vendredi 10 mai 2013. 10 mai. Que c'est beau. 10 mai. 10 mai, tu? 10 mai? J'ai rien à dire sur le 10 mai, moi, là. On continue. Alors, le 10 mai, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la communicatrice Rebecca Manzoni. Après des études d'histoire, de journalisme À Bordeaux, Rebecca Manzoni décide très tôt de faire de la radio. Elle débute en 97 au MOVE, qui est un ralliement de France Inter. Son entrée à France Inter se fait grâce à Philippe Bertrand, que nous avons reçu il y a quelques mois. Hein? Mois? Oui, mais c'est des bourdons qui bourrent. Hein? Ça monte autour de ton micro, puis ça descend en bas, ça descend. Et puis, elle se voit confier sa première émission en tant que productrice. T'as pensé au parasol? J'ai pensé au parapluie. Vous allez comprendre à la fin de notre entrevue la semaine prochaine. N'oubliez pas ça, OK? Moi, j'ai pensé au parapluie. Qu'est-ce qu'il veut dire, là, le monsieur? On saisit pas ses coordonnées. Mais non! Tout ça, c'est un enchaînement. Un grand... Un grand quoi? Ben c'est ça, j'allais dire. Une grande composition, un grand casse-tête qui, à la fin, fait la fresque. Vous allez voir, mon amie Rebecca Manzoni, à la toute fin. Pas au début, là. Ça, c'est les prémices. Le mystère. La recherche de connaître davantage la personne que je vous fais rencontrer. C'est une structure totalement théorique. C'est un stratagème unique qui vient ce soir se poser dans vos oreilles et surtout dans votre... Hey! Hey, monsieur, je me prends pour Anton Arto, moi, là. Le génie, ça a des marteaux, mais il y a des fois que ça rend marteau. Bon, alors, donc, on a dit qu'elle était avec moi en juillet 2012. Les errances rénaldiennes se trouvaient là. Vous allez l'entendre maintenant. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. Fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up and you call my name. You know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she vowed to sing. When they put his arms around her, he said, Juliet, baby, you're my flame. You give me fever. When we kiss us, fever without flame and juice. Fever, fever. I'm a fire, hey, though I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, fever. I'm his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to guilty fever. Be a fat hot of sound of grain. I give you fever. When you kiss some fever, when you live and learn. Fever, fever. When you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely. Alors comment ça va? Ça va bien et toi? Je sais pas si je vais enlever mes... Je sais pas, hein. Sauf si tu as des essuie-glaces. Bon, peu importe, non. Ben, nous, on n'est pas encore rendu avec ce modèle-là au Québec. Ça s'en vient peut-être. Imagine que j'ai rencontré ton collègue de travail pour qui tu faisais une chronique BD, Philippe Bertrand. Ah ouais! Il te fait dire bonjour. Ah ouais! Je l'ai rencontré vendredi. D'accord. J'arrivais, je débarquais. Le vendredi, c'était assez, assez bouchonné. Donc, je suis arrivé pour me rendre de l'aéroport à ici, 2h30. Ouais. Et donc, j'avais rendez-vous avec Philippe Bertrand. Au moins, j'avais son numéro de téléphone, donc j'ai pu... mais c'est pour ça que quand j'ai dit que je te rencontrais, ben, tu lui souhaiteras un petit bonjour. Alors, tu as commencé à la radio avec une chronique bande dessinée, c'est ça? À France Inter, oui. Oui. À France Inter. Mais avant, tu faisais... Avant, j'étais au MOVE. OK. Qui est quand même une filière de France Inter. Ouais. Qui est une filière de Radio France. Mmh. Oui. Qui est une radio du groupe Radio France, en fait. Et où je faisais aussi des chroniques bande dessinée, là. OK. Tu es une fanatique de bande dessinée ou... Ouais, j'aime beaucoup ça. OK. Ouais, ouais. Quand tu étais petite, tu t'en lisais dans plutôt les... à l'adolescence, en fait. OK. Ouais, ouais. Mais plus des bandes dessinées pour adultes ou destinées aux enfants? Bah après, tu vois, mais moi, je considère que Gaston Lagaffe, c'est pour adultes, quoi. Oui. Tu vois? Oui. Donc, plutôt pour adultes, en fait. Ouais, ouais. Plutôt pour adultes. Attends, j'ai cherché du feu. Excuse-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Ça t'embête pas? Non. Merci. Voilà. Et donc? Et en fait, ouais, moi, je m'occupais de chroniques bande dessinée au MOVE parce que ce qui m'intéressait beaucoup, en fait, c'était de parler d'images à la radio. Donc, de faire en sorte que ce que je faisais avec le son, ça crée de l'image dans la tête des gens qui écoutent, quoi. Mm-hmm. C'était ça, le but du jeu. Mais ta formation première... Journaliste. OK. Je suis journaliste, et sauf que j'ai mis les pieds dans une rédaction classique, à RTL, d'abord. Parce que j'avais gagné un concours... Qui est une radio commerciale, RTL ? Qui est une radio privée commerciale. J'avais gagné un concours, je ne sais pas comment, mais je l'avais gagné. Et quelle sorte de concours ? Un concours entre toutes les écoles de journalisme nationales. OK, tu as fait un démo radio. Tu arrives le matin, ouais. Tu es sélectionné sur dossier. On est un candidat par école de journalisme. Mmh. Quand t'arrives, on te dit, voilà, il faut que tu fasses trois éléments. Je me souviens qu'à l'époque, le thème, c'était la vache folle. Fallait faire... Ah, il n'y a pas si longtemps. Il y a... 12 ans. Ouais, plus. The threshold, and it's overturned the order of the devil did. I'm the little Jew who wrote the Bible. I've seen the nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cold. It's over. Get ready for the future. It is murder. Things are gonna slide in all direction. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world. Hier soir j'ai flashé sur la brune, hier soir j'ai navigué dans la brume. On est allé sur les quais sans lasser ce matin. C'est donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner. J'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous, je voudrais. « Hier soir j'ai décroché la lune, hier soir j'ai gravi sans une dune, j'ai même poussé jusqu'à l'odeur d'un homme qui te revient en sueur. Ce matin c'est haut, donc la tête de l'ouvrier, fais donc chauffer le jus s'il te plaît. Mais regarde café, t'as fait déborder, mais m'éloigner de vous, je voudrais. Je voudrais m'éloigner de vous. Donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner. J'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous. Donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner. J'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous. Donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner. J'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous. Je voudrais m'éloigner de vous. Je voudrais m'éloigner de vous. Je voudrais m'éloigner de vous. Je voudrais m'éloigner de vous. Comme le mentionnait Jim Morrison, Laurence Fénaldienne. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ma gomme. Ah, on l'a vu à la télé! On l'a vu, monsieur! On l'a vu à la télé! Ben, je sais, c'est normal, c'est filmé! Les gens peuvent voir toutes mes gaucheries, toutes mes extravagances iconiques. Iconique, ben oui, mon petit enfant, il a des coliques. OK, je pensais que tu avais dit iconique. Ah non, des coliques. Ça fait 3 semaines que je le frappe dans le dos en disant « Ça va passer, beau petit, ça va passer, beau petit, ça va passer, beau petit, ça va, ça va, ça va passer, beau petit. » Puis là, il pleure. « Ça va passer, beau petit, ça va. » Puis là, je chante. « Allô, c'est quoi la chanson? Les cerises, le temps des cerises. On reprend l'esprit. Esprit, êtes-vous là? Quand viendront les temps des cerises et gais rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Nous aurons le plaisir au cœur et surtout le sentiment au bas. Quand nous chanterons le temps des cerises, rigolera bien mieux que le merle moqueur. Ah! Mais c'est beau ça! La fin est extravagante, hein? C'était comme Nirvana. Nirvana. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer les moindres coutures, fissures, embouchures, angles, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Et plaçons en garde à vue le mot ou le verbe événement. Et lequel? Événement. Événement. Événement? Non. Un événement. Oh! C'est pas la même chose. Parce que j'ai entendu, mais c'est événement. Si je te demande si je t'aime, satané, question, l'événement. Non, c'est pas l'événement. C'est ça, c'est un événement. Extraordinaire. Lorsqu'un jour, mon cerveau s'est mis à réfléchir. En fait, c'est arrivé à un seul moment. Et ce fut, bien sûr, un. Moi, je dirais pas un, je dirais une. Une chance extraordinaire. Peut-être. un événement radieux. Oui, c'est ça, événement! Ben, bravo, merci. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Comment? Rien. Pardon? Rien. Rien. Rien. L'événement nous amène pas toujours des prix. On y est pris avec ça, hein? Les journalistes sont forts sur l'événement. La société spectacle, comme disait mon ami, s'est suicidé. Comment? Suicide. En tout cas, qu'il est mort. La société spectacle est un événement. 2013 est un événement. Cybernétique, la structure que l'on voit actuellement, parce que nous sommes sur Internet, là. Non, à la radio. Oui, oui, mais on peut être aussi sur Internet, oui. Amène une structure événementielle totalement extravagante. Tout est un événement. J'ai réussi ma soupe au chou. C'est un événement. J'ai réussi mon travail. C'est un événement. Je me suis lavé avec du savon de chef. C'est un événement. Tout seul, je suis arrivé à me couper un cheveu. C'est un événement. Mais voyons donc, oui. Ça va bien? C'est un événement. Oui. C'est un événement. Le soir, avant de me coucher, je compte plus des moutons. Je compte mes amis Facebook. C'est un événement. Oui. Et dans mes vêtements, quoi? Dans mes vêtements. Oh, OK. Oui. Dans l'événement de mes vêtements. Parce que m'habiller, c'est un événement, moi. Parce que je mets du noir sur noir. Puis là, on me dit, c'est toi la boule noire? Non, moi, je suis le boulon noir. Oh, mon Dieu. Je suis le canon. Ah, mais ta copine? Ah, elle est canon également. OK. Tout est canon ici. OK. Est-ce qu'on peut tirer? Ne tirez pas. Tirez pas ma copine, vous. Si je vois tirer ma copine, je peux me dire, Johnny va découper. Johnny va dire, va ma gueule, qu'est-ce que l'on a eu? Connaissant Johnny, lui, Johnny. Johnny, be good. John, be good. Faut pas faire ça. Ça va bien? Ça va très bien, mon Johnny. Connaissant Johnny. Je connais, moi. Je vais l'appeler Johnny. Johnny, c'est Renal. Johnny, c'est Renal. Johnny, c'est Renal. Il s'est réveillé. Faut pas réveiller Johnny parce qu'il somnole et un être qui somnole est quelqu'un de manipulable. Ça fait 40 ans qu'il somnole. Je tiens dans ma main une guitare qui ne joue plus. Je me la caresse. Hey, c'est ça, Johnny. C'est l'événement Presslien. Ouais, ben Presslien. Non, ben là, c'est plus un événement. Là. C'est rendu quelque chose qui s'écroule. Ah, mon dos. Je l'ai dit à ma copine, hein. Ajoute-toi un séchoir, sinon il s'écroulera. Séchoir, s'écrouler. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Oh, oui, je sais. On arrête ça là. Ah, non. OK. Oui, on vous rappellera. D'accord. On voulait pas faire ça comme ça. C'était pas le but de... Ben, jamais. Oh, on n'en compte pas de but ici. Il n'y a pas de joueur de hockey, là. Il n'y a pas de millions. Non. On osait simplement rapporter des mots. Ouais, c'est... Il est drôle, hein? Ouais. Ouais. Votre chum est là, madame, ça va bien? OK. Vous êtes venu avec lui? Bon. Vous prenez pour un goéland? On aime ça, les goélands, même. C'est bizarre, là, mais on aime ça. On leur laisse une place. Surtout, montez pas au-dessus, là. Parce qu'on voit les vautours, les goélands, hein, puis à un moment donné, moi, j'ai pas amené de parapluie. Histoire de Rebecca Manzoni, parapluie, là, plus tard. OK, vous allez comprendre. Restez à l'écoute de CKRL la semaine prochaine jusqu'à la semaine prochaine. Cramponnez-vous devant le délice que cette station vous offre, là, hein? Que de la bonne musique, que des bons animateurs, techniciens. On remercie Daniel Marco qui capte mes émissions une fois enregistrées là dans sa canisse. La mission est dans l'émission est dans sa canisse. Daniel Marco ouvre la canisse, prend la canisse, rentre ça dans l'ordinateur. Là, écoute ça, il dit « Ah, c'est pas vrai, on diffuse pas ça. Ah, oh, ça a pas de bon. » Et puis, il a le grand cœur de me présenter. En fait, il dit « Je ne suis pas Daniel Marco, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai juste pris ça, j'ai ouvert, puis j'ai mis ça. Ah, je suis pas le coupable. Le coupable, c'est l'animateur, c'est le producteur, c'est lui. C'est qui? C'est lui, c'est ça. » Plus 15 ans. Ok. Et il fallait faire un reportage, un enrobé. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de bruit pour toi là ? Non. Non, ça va ? Excellent. Ok. Il fallait faire un reportage, un enrobé et un papier. Ok. Et j'ai fait le truc. Et j'ai eu une idée, je sais pas comment. Je suis allée voir un sondeur pour parler de la perception de la vache folle par les Français et ça a beaucoup plu. Okay. Mais donc, en région retrouvée... ou à Paris ? Non, à Paris. Okay. Et je me suis retrouvée dans la rédaction aux informations générales. J'ai cassé 3 voitures. Et... ouais. Et au-delà de ça, c'était pas du tout pour moi, quoi. Okay. De bosser dans une rédaction... Pourquoi c'est trop sectaire ? C'est pas assez distrayant ? La création n'a pas sa place ou, Ben, c'est pas... C'est vraiment du journalisme pur. Okay, c'est trop bureaucratique. Donc, c'est pas... Alors, je sais pas ce que tu mets derrière le mot bureaucratique, mais... c'est vraiment du journalisme pur. C'est pas. Il y a pas place à la création. Il y a pas place à la création pour le coup et à la subjectivité. Ok. Et toi, c'est ce que tu recherches à la radio, c'est ce que tu nous présentes depuis plusieurs années avec une émission quand même assez connue, éclectique. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais ouais, c'est vrai. Enfin, je vais. Ça me fait bizarre de dire oui, parce que oui, c'est vrai, c'est une émission. Non, mais c'est une émission très très écoutée et appréciée parce que t'es là depuis longtemps. 4 ans d'éclectique? 4-5 ans, ouais. Ouais. Et mais avant ça, c'est ça, t'as fait un travail de journalisme qui ne correspondait pas vraiment. En fait, tu ne te voyais pas à long terme travailler dans ce milieu-là. C'était trop sectaire. Je ne me voyais pas présenter des journaux, par exemple. Je me voyais à la radio pas... ou à la télé, c'est ça? Oui, c'est pas. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus un truc un peu plus créatif, quoi. Et plus personnel, en fait. C'est cette démarche-là qui m'intéresse. Donc après ça, je suis arrivée au MOVE, et puis après, j'ai proposé ma chronique à Philippe Bertrand. OK. L'été. OK. Et il m'a proposé de venir l'année. Mais c'est l'été, dans le fond, qu'on, ben, au Québec aussi, qu'on peut peaufiner une émission, qu'on peut vérifier si ça fonctionne pour éventuellement la proposer à l'automne. Ouais, à la radio, l'été, c'est en tout cas France chez nous Inter. Aussi, chez nous aussi. C'est une sorte de labo. Oui. C'est une sorte de banc d'essai. Voilà. Et c'est là que tu peux te faire remarquer. Oui. Ou tu peux te planter aussi. C'est une chance. Non, mais c'est une chance de pouvoir. Ouais. Tu sais, c'est pas à l'automne où tout est placé pour encore 9 mois. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est exactement. Ça. Exactement. Et alors? Et donc, à l'issue de la chronique chez Philippe, on m'a proposé une émission d'été quotidienne. Mais à cette chronique-là, est-ce que tu mettais ton grain de sel? Est-ce que tu mettais... Oui, bah oui. OK, OK. Et ce qui plaisait, c'est ton humour? Ce qui plaisait, je pense, c'était le ton, en fait. Okay. C'était un ton... C'était un ton très personnel. Et puis moi, j'aime beaucoup la réalisation sonore. OK. Donc j'aime bien le mixage. Est-ce que c'est toi qui fais tout ça? Non, je travaille avec un réalisateur qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Yann Chouquet. Oui, effectivement, tu l'annonces à chaque fin d'émission. Ouais. Est-ce que c'est toi qui mets ton grain de sel dans la réalisation de... Oui. OK. Ouais. Fight, I show you right. On your flight, I show you sight. What it takes is up in the stakes. On my plate, I give you light. On my beats, on my treats. Stamp and stomping, stamping off. Stamp and stomping, stamping off. Stamping off.

All right, come on, come on, come on. Damn, give the singer some, man. Alright. We want the world and we want it. That's New York for you. The only people that rush the stage are guys, you know. So when the music's over, when the music's over, yeah. Turn out the lights. Well, that music. Thank you, thank you. All right. Oui. Oui, OK. Pourquoi tu dis oui avant? Ben, c'est parce que le micro était fermé, puis moi, je suis positif dans la vie. Bon, c'est très bien, ça, mon petit champion. Merci. Alors, j'appelle le téléphone. Téléphone! Oui. Téléphone! Non, il appelle pas, lui. Mais non, c'est toi qui appelles. Oh, OK. Ah, c'est vrai, moi, heureusement que j'ai pas de chien, moi. Parce qu'avoir un chien, je pense que c'est lui qui me gouvernerait, là. Il me dirait, ah ouais, là, bientôt, j'en vais. Là. Ah oui, je suis prêt, je suis prêt. Mon chien me dominerait, voilà. Là. Ah, c'est... ouais. De misère à suivre ça, moi, là. Quand on dit au pied, moi, je me mets au pied. On dit, ah ouais, vas-y, j'y vais. Puis quand on dit, OK, arrête, j'arrête. Moi. Un vrai citoyen moyen, moi. J'écoute tout le monde. Alors, j'appelle au téléphone. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est presque vrai, là. C'est en fait, on masquait la réalité. Oh! C'est une mascarade! Oui, monsieur. Alors, appel. Oui, on y va. J'appelle au téléphone pour ce numéro d'improvisation. Oui. Une source de communication créée et inventée par M. Graham Bell. Graham Bell. Il y a Jingle Bell et il y a Graham Bell. Ouais, mais Jingle, c'est qui, ça? Ben, c'est un musicien. Et puis l'autre, c'est un harmoniciste. Ouais, mais un harmoniciste, c'est pas un harmoniciste, c'est un harmoniciste. Juste un 6, pas deux 6. Sinon, ça fait 12. Ben, ça fait 66, pas 12. C'est 6 bis, 66. Ça, bon, tu mêles tout le monde. Je me mêle déjà moi-même. Bon, mon doigt. Alors, est-ce que tu peux te démêler? Ben oui, mais comme... Vous m'avez remarqué, quand je suis arrivé ici à CKRL tout à l'heure, là, il était quelle heure? Il était 11h20, 11h15, 11h30, minuit moins quart. J'avais tout placé, j'avais mis mes fils par terre, puis là, j'essayais de trouver, là, de dénuder mes fils. Ah, c'est... l'autre m'a dit, « Hey, tu cherches-tu tes lentilles, mon Raymond? » C'est pas Raymond, c'est Rénal. « Cherches-tu tes lentilles, mon Rénal? » Non. En fait, je démêle mes câbles. Oh mon dieu, t'as pété! Non, je peux encore péter le câble, là, mais ça va se faire en pleine radio, ça là. Péter des câbles, c'est bon, hein? Ça fait des bonnes émissions, ça là. Oh, péter des câbles. J'en ai pété 12, moi, puis c'est dur après ça pour, en fait, les ramener ensemble, hein? Ça demande une certaine coordination de l'esprit, puis surtout manuellement, là, c'est vraiment pas ce qu'on s'imagine. On s'imagine quoi? Moi, absolument rien. C'est pour ça que ça m'étonne tout le temps. Je dis, hey, je m'attends à rien, puis c'est ça que ça donne. Bravo, je suis un créateur! C'est comme ça, je pense, que fonctionnent les artistes. T'es en train de t'étouffer? Ouais, mais avez-vous remarqué que je vais retomber sur mes pieds? Ouais, c'est ça. Alors, j'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Ça, c'est pour ça qu'on écoute certaines émissions. Hein. On se dit, oh, il y a l'artiste là que j'aime, là, c'est... peut-être qu'il va nous dévoiler des affaires qu'on sait pas sur lui, là. Comment ça? Ben, s'il aime le radis cuit, le radis cru, s'il l'aurait cru sans l'avoir vu, puis il l'aurait... Tu m'as rien, toi, là? Non, jamais, moi, là. Mm. Moi, c'est tout pour... Quand on me dit pour le meilleur et pour le pire, je m'attends au pire, donc jamais. Alors, entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera. On le sait, tu l'as dit, merci. Là, à cet instant, nous rejoignons... Oh, compose, ma belle Rita. Oh, on va rejoindre Marilyn Monroe. Pas vrai, Marilyn Monroe, le toutou pédou. C'est pas Marilyn Monroe. Ouais. Oh, est-ce qu'on l'a ici? 3h06, quelle heure est-il au ciel? Il n'a pas d'heure au ciel, hein? C'est vrai, Marilyn? Oh, lolo! Oh, non, c'est qui, ça? C'est ton impresario. Oh, il y a un impresario en haut, ben oui. Marilyn, tu es là, Marilyn? Toudou! J'ai eu peur, là. Toudou. OK. Hey, Marilyn! Hey, là, j'ai sué ma dernière goutte. J'ai dit, elle a mué, puis c'est rendu un mec. Ça serait qui, là? On a fêté ses 70 ans, 90 ans. C'est James Dean! Je dis, elle doit être en communication avec James Dean. Mais c'est toi, Marilyn? OK. Hey, Marilyn, ça va bien au ciel? Bon. Hey, t'es comme une sonnerie de téléphone, toi. Hey, j'aime ça. On va l'acheter. Comment ça coûte? Ça coûte rien, c'est donné, c'est gratis. Ça vaut pas cher, c'est gratis. Êtes-vous gratis, madame? Marilyn, là, on se dit, tu sais, on est en bas, nous autres, là. En bas, plus bas que ça, là, à Québec. Ben, il y en a plus bas que le Québec, ça. C'est Terre-Neuve. On n'est pas Terre-Neuve, on est au Québec. Hein. Quand même, là, il y a de l'espoir. Au Québec, il y a toujours eu de l'espoir. Il y en aura tout le temps parce qu'on est des aides, quand même, madame, vous le savez. Bon... C'est le générique, ça, là. On va partir ça. Vous écoutez Rénal Gagné et le Radioton de CKRL. On achète deux consoles. Avez-vous du son comme ça pour moi? Elle est merveilleuse. Êtes-vous encore blonde, vous? Oui, ben voyons donc, ça s'entend, écoutez. Ah, on adore les blondes. Mais pouvez-vous dire autre chose? Ouais. Pouvez-vous dire autre chose, Madame Monroe? OK. Au ciel, là, est-ce que c'est un martyr, là? Ben, ah oh oui! Ben, voyons donc, tout le monde s'attend à vivre heureux et incohérent. Ben, moi, c'est sur Terre que ça se passe, là. Au ciel, peut-être la cohérence viendra. J'espère que non. Croyez-vous, vous? Ah oui, bon, c'est pas inspirant, là. Mais là, vous avez fait carrière dans la musique, là-bas, en bas. Oui, en bas, dans le très bas, là. Plus bas que ça, il y a quoi? Il y a les États-Unis. Vous étiez... Vous étiez états-unienne, vous? Oh, ça coupe, hein? Êtes-vous encore là? C'est engagé. Le ciel est engagé, mon dos. Ah oui, c'est nuageux. Bon, sommes-nous encore en communication avec Marilyn Monroe? Eh non. Qu'est-ce qui se passe? Rappel. Ouais, mais on n'a pas de numéro de collaboration. Ben, c'est le 1753. Dis-le pas trop fort parce que les gens vont appeler, là. Oui. Marilyn, vous êtes là? Marilyn? Oui. Oh, Marilyn, que vous étiez sous la douche? Oui. Bon, on vous dérange. Est-ce que c'est chaud ou froid, l'eau, là-bas? Oui. C'est, ah oui. Bon, on aime ça, c'est positif. Tout ce qui est positif est une ouverture vers ce qui est extraordinaire et merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Bon. Qui aurait cru ce soir parler avec Marilyn Monroe? Ben, moi, c'était plutôt Jinx Dean. Comment ça? Ben, on a fêté. Arrête de fêter, toi, là, là. T'es toujours dans le... Moi, je suis dans le feuilletage. Oui, dans le feuilletage. Et dans le feuilletage, hein. J'ai feuilleté l'œuvre de Brecht. Oui, et puis? Eh, monsieur, hein, ça donne des cornes. De la grosse corne noire, là. Puis c'est comme un joueur de guitare. Jimi Hendrix avait les grosses cornes noires, là. Noires, presque fumeux. Fumeux? Un fumet. Madame Monroe, chez vous? Oui. Oui, ben c'est tout. Mais c'est merveilleux. Vous êtes encore très pimpante, vous, là? Oui. Bon. Allez-vous... Hey, oh oui, c'est important, ça, là. Les gens qui vont trépasser dans quelques heures, là. Parce qu'il y en a. Oui, on va prendre un moment peut-être un peu plus solennel, là. Avez-vous fait des films en haut? Oh. On n'a plus de communication. Voyons, mais pêche sa pétone. Ben non, il n'y a pas de pétone, il y a Marilyn. Marilyn... Avez-vous fait des films en haut? Oui! Ah oui! Combien de films? Une cinquantaine? Oui! Oh! 50 films de Marilyn Monroe au ciel! Et moi, j'ai vu... c'est pas le Septième Sens. Non, c'est l'Armée des Sens. Non, c'est un film pas... Non, c'est pas celui-là. Elle était pas habillée. Non, c'est pas... OK, excuse-moi. Je suis totalement dérapé. C'est quoi? C'est sept moments de réflexion? J'en ai eu 6, moi, le 7e, je ne suis même pas rendu là-dessus. Hey, vous êtes tellement bonne là-dedans. Oui. Ah oui, oui, vous êtes naturelle, vous, hein? Oui. Ça repart tout au galop, là-bas? Oui. Oui, bon. Hey, Marilyn, ça nous a fait plaisir. Hey, vous, savez-vous... Hey, attendez, là, on va pas le quitter. Vous êtes encore en onde, là? Oui. Bon. Hey, vous savez qu'actuellement, là, on vit quelque chose ici, à CKRL, d'assez exceptionnel, là. Hein? Nous vivons un radioton. Savez-vous ce que c'est qu'un radioton? Oui. Vous écoutez CKRL là-bas? Oui. Oh, si on s'intonisait là-dessus, je le savais qu'il y avait quelque chose d'intelligent. Oh, là. Allô? Oui. Bon, merci, Marilyn. Hey, on se retrouve plus tard, là. Oui. Moi, ça va être en enfer. Ça va être plus chaud, là. Très, très chaud. Vous voyez la boucane en haut à droite? Oui. Bon, ben moi, c'est pas en haut à droite, mais c'est en haut à gauche. Oui, allô? Oui. Oui, ben oui. Les gens de droite avec les gens de droite, les gens de gauche avec les gens de gauche. Hey, voyons. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la feuille. La feuille est où? Elle est là-dessus. Calmez-vous. C'est moi que je dois me calmer parce que là, je n'ai pas vu, mais entendu de l'eau de là. Oui, mais ici, c'est toujours de l'eau de là. Oh là là! Oh là là là là là là là! C'est KRL? Oui, c'est nous. Oui, c'est vous. Oui. Quoi? everything that we feared was right. Don't be alone with all those people tonight. Always on the telephone, always in the back room, always on my own. It's got to end soon. Parce qu'on est déjà rendu à Éclectique, là. Hein, c'est ça, t'es passé à France Inter? Je suis passé à France Inter, j'ai fait une émission d'été, après j'ai fait une émission hebdomadaire de cinéma, après j'ai fait une émission quotidienne qui s'intitulait Éclectique, oui. À 9h le matin. Oui. Et c'était le même format, la même façon de faire que tu fais actuellement une fois par semaine? Non, c'était en direct. OK. Et je faisais ces portraits que je fais le dimanche parce que j'adore faire ça, une fois par mois, parce que c'est énormément de travail. Et donc, ouais, je faisais ça, ça c'était en quotidien. Et puis après, je suis devenue rédactrice en chef d'une émission sur Arte. Oui, oui. Pendant 5 ans. J'ai eu un bébé, donc j'ai dû laisser tomber une émission sur France Inter, j'en avais 2. Et... Pour laisser la place à Éclectique, travailler continuer, plus. Pour continuer Éclectique en hebdomadaire et pour être rédactrice en chef de Métropolis, parce que ça me prenait quand même du temps. Arte, oui. C'est ça, Arte. Sur Arte, oui, ouais. Voilà. Ben chez nous, ça s'appelle Arte TV. Donc, c'est un enfant, une filière de Arte, Arte TV. D'accord. .ca. Alors, oui. Et du coup. Puis même, on peut voir des émissions sur le site officiel. On peut voir tes émissions. S'est arrêté. Maintenant, je travaille pour Canal+. OK. En fait. Voilà. Okay. Où je travaille, où je fais partie d'une émission de critique de cinéma. Mm-hmm. C'est pour ça que tu vas à un rendez-vous cinématographique, là, après. Exactement. OK. Et je fais aussi une séquence dans la matinale de Canal+. Mm-hmm. Où je parle de photos d'actualité. Ok. Où là, c'est une séquence où je prends un thème et je décrypte la façon dont on nous montre un événement en images. Dans les journaux. Dans les journaux, sur le net, à la télé. Donc ça va de Johnny Hallyday à la mort de Kadhafi, en passant par le 11 septembre. C'est là aussi assez éclectique. Mais c'est greffé sur l'actualité. Tu ne pourrais pas parler de Kadhafi aujourd'hui. Non, non, non. C'est vraiment l'actu de la semaine. En fait, qu'est-ce qui fait en sorte que l'image représente un véhicule, c'est ça? C'est, par exemple, comment on nous a montré la mort de Kadhafi. Oui. Et c'est choisir différentes images et analyser ça. Propagandiste, un peu propagandiste, beaucoup. Ouais, enfin, en tout cas, quel message ça suppose. Mais ça, c'est d'après toi. C'est très subjectif. Okay. Ouais, c'est un point de vue très... Mais c'est en amenant tes idées que les gens peuvent s'associer à ce que tu dis, au contraire, être oui, c'est un point de vue. Oui, c'est ça. Parce que je pense que l'information brute dans une rédaction, qu'il s'agisse de la présentation des journaux, etc., aujourd'hui, l'information, les gens l'ont. Je pense que là où ce qui est intéressant, c'est de développer des points de vue et aussi de faire des correspondances entre différentes actus. OK. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, elle est super cloisonnée. Tu vois, on ne fait pas forcément le lien entre l'actualité internationale, l'actualité culturelle, l'actualité politique. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre tous ces trucs-là. to come back. Que les informations nous arrivent de partout, Internet, les journaux, ouais. La radio, voilà. Et tout le monde a sa vision. Donc, il y a des informations de droite, de gauche, centre-droite, centre-gauche, d'extrême-droite, d'extrême-gauche. Donc, il faut décodifier tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est de faire le lien et de proposer un point de vue là-dessus, sachant que c'est annoncé comme un truc très subjectif. C'est comme un peu un édito, okay. En fait. Okay. Alors après, les gens accrochent ou pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler à la fois sur le développement d'un point de vue, mais aussi de travailler sur la forme, sur la façon dont tu l'exprimes. Oui. Et ça, c'est combien de temps? Ça, c'est très court, c'est 5 minutes. OK. Mais ça demande pas mal de boulot, en fait. Mais c'est lu? C'est lu, c'est en direct. OK. Est-ce que tu peux improviser un peu? Oui, je peux improviser, mais en fait, les images arrivent à l'écran au moment où je prononce certains mots. OK. Mais lu à la télé, ça passe pas. Okay. Donc il faut que ce soit le plus oral possible. Okay, wow. Mais il faut que mon texte soit très précis. Okay. Pour qu'en régie, ils envoient de la bonne image au bon moment. Pour appuyer ma démonstration. Mm-hmm. Donc voilà. Et par la suite, en fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est écouter un peu partout sur la francophonie grâce à France Inter et Éclectique. Parce qu'à Canal+, on ne peut pas, malheureusement, visualiser. C'est visible sur le net. Oui, sur YouTube, peut-être, c'est vrai. Même sur le site de Canal+. Ah oui? OK, ouais. OK. Mm. Mais Éclectique, ce qui est intéressant, c'est que tu avais deux façons de faire. La première, à tes tout débuts, où tu rencontrais l'artiste en direct, où tu ne pouvais pas faire aucun montage. Mm-hmm. Et ça donnait peut-être un travail un peu moins peaufiné. Ça dépendait de la vedette. Donc, soit qu'elle se mettait en valeur, au contraire, on la trouvait détestable. Mm-hmm. Et toi, quand tu voyais que ce qui allait se présenter à toi ne te convenait pas, est-ce que tu tentais de travailler un peu l'artiste pour sortir quelque chose d'intéressant, pour le valoriser, lui? Ça, c'est compliqué parce que la personne, elle est telle qu'elle est. Donc, ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'interview en direct ou en studio, c'est que tu fais Selon la personne. Selon la personne. Selon l'humeur. Après, quand tu fais un reportage où tu vas chez la personne, déjà, c'est pas le même propos. Non. Parce que c'est beaucoup moins formel. T'es moins dans... Déjà, t'as beaucoup plus de temps. Ouais. En studio, ça va être 50 minutes. Ouais. Moi, les rencontres que je fais avec les gens, en général, ça dure une heure et demie, okay. En moyenne. Okay. Donc, il se dit autre chose. Ouais. Et après, ce qui m'intéresse, après coup, c'est de raconter une histoire, que cette interview devienne comme un récit, ouais. Comme un petit scénario. Une nouvelle. Oui, voilà, avec un scénario, c'est assez imagé en fait. Mais surtout, tu racontes l'environnement, la personne est en retard, tu le dis. Oui, oui, mais bien ça, sûr. C'est lorsque tu fais un travail de montage, c'est pas lorsque ouais. L'artiste est là en direct. Ouais, alors. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my en scène. Là, il m'a fait poireauter depuis 15 minutes. Ouais, et ouais, voilà. J'adore ça. Et à un moment donné, je crois, la meilleure rencontre que j'ai entendue à la radio d'une chanteuse qui se dévoile très peu, c'est Brigitte Fontaine. Ouais. Et là, tu t'es dit, là, on arrête tout, on fait plus de flafla, on est dans la réalité et je vous présente quelqu'un d'assez exceptionnel. Et tu savais que tu vivais un moment extraordinaire et tu voulais faire partager aux auditeurs, c'est ça, hein? Oui, parce que ce que je trouve aussi intéressant dans ce type d'exercice, c'est que bien souvent, les gens que je rencontre, ils ont un personnage médiatique. Alors, ils s'en échappent pas totalement, mais quand tu les rencontres chez eux, ou quand tu les rencontres dans un endroit qu'ils ont choisi, moi, ce que j'aime, c'est donner accès à autre chose que l'image qu'on en a. Les stéréotypes. Et dans le cas de... Voilà, exactement. Mm-hmm. Et dans le cas de Brigitte Fontaine, qui a quand même l'image d'une folle, moi, j'avais envie qu'on ait accès à la sensibilité de cette femme-là. Et elle a accepté de me le donner. Parce ah oui. que parfois, ouais. je peux comprendre qu'on n'ait pas envie, ouais. et voilà. Et du coup, ouais, du coup, il s'est passé un truc. Parce qu'elle a accepté de me livrer autre chose que son personnage, dont elle... Elle en a ras-le-bol, d'ailleurs, elle-même, de ce personnage. Oui, elle l'a dit. Donc, de ses angoisses, d'en avoir marre d'avoir l'air d'une folle tout le temps. Ça il n'empêche que c'est quelqu'un de très, très particulier. Oui, singulier, oui. Mais voilà, c'est une... Pour moi, c'est une artiste... Mais elle doit faire quelque chose, parce qu'elle faut... Elle doit être en synchrone. Il faut qu'elle se lève et qu'elle soit prête à te laisser rentrer dans son jardin secret. C'est vrai. Mais après, le jardin secret, tu vois, c'est une question limite. Moi, par exemple, la vie privée, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je veux dire la disponibilité de la vedette. Ouais. Donc, elle l'était. Mais c'était très particulier, cette interview, parce que moi, en général, quand je parle aux gens, quand je les interview, je suis assez près physiquement. Je ne suis pas l'autre bout du canapé. On est là, tous les deux. Et pour Brigitte Fontaine, c'était même plus que ça, parce que comme elle est assez particulière, elle s'est assise en face de moi et on était à 20 cm l'une de l'autre et elle me regardait. Elle te soufflait presque. On était très très proches. Okay. Et c'est surtout son regard qui m'a marquée, parce que voilà. Je pense que quand on fait une interview, en tout cas, je m'en suis rendu compte après coup, c'est une personne que j'ai interviewée qui m'a fait remarquer ça. Moi, j'y avais pas du tout pensé, mais non seulement je me tiens prêt, mais je regarde les gens. Okay. Quand je leur pose des questions, quand je les écoute. Et elle me regardait vraiment droit dans les yeux. De quoi. Manière attentive et intéressée. Et elle a un regard très, très... intelligent. Assez intimidant, parce que c'est un regard très, très direct, très, très frontal. That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And